Bon, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Hafizahullah. Le Cheikh ibn Taymiyyah, il dit: Thumma mata kana al-maqsoud bayan anna mukhalafatahum fi ammati umurihim aslahu lana, fa jami'u al-ayat dallatun ala thalik. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هذا هو المقصود هنا. Donc dans le point numéro 90, le Cheikh il explique, Cheikh al-Islam, il dit, يعني, du moment que le but et l'objectif de la discussion et de qu'est-ce qu'il explique maintenant, c'est d'expliquer et de clarifier que de contredire les koufars et les mouchriquins et de se distinguer d'eux, c'est quelque chose qui est toujours meilleur pour nous dans les affaires en général. Hein, tous les versets indiquent cela. Tous les versets indiquent et prouvent que c'est quelque chose qui est toujours mieux pour nous de se distinguer et de faire les choses différemment de la façon dont les mouchriquins le font, de se distinguer d'eux et de ne pas les imiter ou leur ressembler dans ce qu'ils font. Naam. Iqtida sirat al-mustaqim, ça parle de sirat al-mustaqim, qu'est-ce que ça veut dire, le droit chemin, et que Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Fatiha, il nous explique que on doit suivre surat al-Mustaqim, et il nous a expliqué que surat al-Mustaqim c'est min alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Donc que alladhina an'ama Allahu alayhim, ceux sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les hommes pieux et vertueux. Donc ceux-là, ce sont ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Et ensuite, il nous a avertis contre les deux groupes ou les deux autres chemins d'égarement, le chemin de ceux qui sont mardoub alayhim et le chemin de Abdalloun. Et il a dit que al-mardoub alayhim, ce sont ceux qui ont la connaissance mais qui ne l'ont pas appliqué, et que le chemin de ceux qui sont dans l'un, c'est ceux qui n'ont pas de science et qui se sont égarés à cause de leur ignorance, donc qui adorent Allah par ignorance. Donc nous, on doit éviter ces deux chemins là et suivre le chemin du qui est le chemin droit, pas le chemin de ceux qui ont de la connaissance de la religion mais qui ne l'appliquent pas, et pas le chemin de ceux qui s'égarent parce qu'ils n'ont pas de connaissance de la religion. Donc il faut la connaissance et il faut en même temps l'application. C'est quoi? Non. Donc C'est ça, As-Sirat al-Mustaqim. Et le thème du livre, c'est de se distinguer des koufars et des mushrikines, et de ne pas les imiter pour éviter justement de tomber dans leur égarement. Et leur égarement, c'est dans la croyance et dans les pratiques. Dans la croyance et dans les pratiques religieuses. Et dans les affaires même de la dunya aussi, ils ont de la corruption aussi là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est interdit pour nous de leur ressembler. Le cheikh, donc, le cheikh l'islam, il dit, donc, comme je disais, tous les versets indiquent que c'est toujours mieux pour nous de se distinguer d'eux et de les contredire. Et le but et si le but c'est de prouver que on doit se distinguer d'eux et que c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous de pas les imiter et de les contredire ou de se distinguer d'eux, ça c'est prouvé par certains versets, pas par tous les versets. C'est pas prouvé par tous les versets que c'est obligatoire. Hein? Il y a certains versets qui le prouvent, hein? Et d'autres qui ne le prouvent pas. Tandis que ce qu'on veut mentionner, du fait que de se distinguer d'eux, c'est quelque chose qui est légiféré, qui a été ordonné, qui a été mentionné dans la législation d'Allah, eh bien ça, de façon générale, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et c'est un des objectifs de ce livre, de prouver ça, que c'est quelque chose qui est légiféré, de se distinguer des koufars et des mouchriquines, que ce soit des gens du livre ou autre. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit « Hey, هذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الكتاب كله يتفق في المنع من التشبه بالكفار عموماً وأن المسلمين يستقلون بشخصيتهم الإسلامية التي أكرمهم الله بها فمن ذلك كما سبق ما هو نص في تحريم التشبه بهم في القليل والكثير ومنه ما هو ظاهر وعام في منع التشبه وكلا الأمرين مطلوب في الشرع فما كان من نص فهو واجب امتثاله فالتشبه بهم حرام وما كان من عموم أو شمول فإنه على أقل الأحوال يكون مكروها ويكون التشبه بهم فيه مكروها. Donc le cheikh il dit que ce que le cheikh Ibn Taymiyyah mentionne comme verset et comme ahadith au sujet du fait de contredire les gens du livre et de se distinguer d'eux, tout ça vient en accord avec l'interdiction de ressembler aux koufars de façon générale, et que les musulmans doivent se distinguer par leur personnalité particulière islamique par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a anobli les musulmans. Ok, et donc on doit se distinguer d'eux et être fier de notre personnalité et de notre identité. Donc comme on a expliqué, le cheikh il dit il y a des textes, on a dit déjà précédemment qu'il y a des textes qui sont explicites dans l'interdiction de la ressemblance au kuffar, que ce soit dans qu'est-ce qui est petit ou grand. Donc famin zalika kama sabaq. Donc, il y a des textes qui sont des textes clairs et explicites dans l'interdiction de ressembler aux koufars et aux mouchriquins, que ce soit dans des choses qui sont petits ou grands. Et il y a d'autres textes qui ne sont pas des textes clairs et explicites, mais qui indiquent, dans leur sens apparent, que c'est quelque chose qui est interdit, ou bien de façon générale que c'est interdit dans son sens apparent. Il dit, et dans les deux cas, c'est quelque chose qui est exigé et demandé par la charia d'Allah, de se distinguer et de différer vis-à-vis, ou de différer, c'est-à-dire d'être différent des kuffar et des mushrikins et des gens du livre. Donc, فما كان من نص فهو واجب امتثاله. فالتشبه بهم حرام. Donc qu'est-ce qui est un texte explicite à ce sujet-là? Si c'est un texte explicite dans l'interdiction de leur ressembler, dans ce cas-là, c'est obligatoire de le mettre en application et de ne pas leur ressembler, parce que la ressemblance au kuffar, c'est quelque chose qui est haram. Et qu'est-ce qui est un texte qui est, par exemple, général? Alors, dans ce cas-là, le moindre qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui est détestable de leur ressembler et de les imiter. Et dans ce cas-là, dans ces choses-là qui sont mentionnées de façon générale, leur ressembler est makruh, c'est-à-dire détestable. Il dit wa qawluhu mukhalafatuhum mashru'atun bil jumla ay an wa in kana ba'daha akbar min ba'd wa ba'daha haram wa ba'daha makruh illa annaha fil 'umum matluba. C'est-à-dire que il y a des choses que on n'a pas le droit d'imiter des kuffars dans le sens que c'est haram. Ça, si tu le fais, tu commets un péché, c'est haram de les imiter dans certaines choses. Et il y a d'autres choses, c'est pas interdit, c'est pas haram de les imiter dedans, mais c'est détestable, c'est makruh. Et donc il dit, de façon générale, on peut dire que c'est quelque chose qui est exigé par la charia de ne pas les imiter et de se distinguer d'eux. Donc ça, c'est qu'est-ce que le cheikh expliquait ici. Ensuite, il dit amma تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا. Il dit, en ce qui concerne le fait de distinguer entre les preuves de l'obligation, ou bien qu'est-ce qui est obligation de qu'est-ce qui n'en est pas, ou bien de distinguer ce qui est obligatoire de qu'est-ce qui ne l'est pas, ça c'est pas le but ici. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant laysa huwa al-gharad li'anna al-maqsoud dhikr qawa'id fi at-tashabbuh wa laysa al-maqsoud al-istiqsa fi jami'i anwa'i at-tashabbuh fa inna hadha kama sabaq fi kalamihi rahimahullah anna hadha yastad'i kalaman tawilan wa yastad'i mu'allafat kathira walakinahu qa'ad al-qawa'id fi hadha al-kitab. Donc le cheikh, il dit, le but de qu'est-ce que Cheikh al-Islam veut expliquer ici dans ce livre, c'est en fait des règles générales au sujet de l'interdiction de ressembler aux mushrikin. Il dit, le but, c'est pas de ramener chaque sorte de tashabbuh, et chaque différente sorte, comme le cheikh l'a expliqué. C'est pas de ramener chaque différente sorte de tashabbuh, mais c'est de ramener des principes et des règles au sujet du tashabbuh. Parce que sinon, ça prendrait beaucoup de volume et beaucoup de livres, et ça prendrait beaucoup d'explications détaillées sur chaque point, et c'est pas ça le but du livre. Mais le cheikh, il a établi des règles dans ce livre, et il parle au sujet de qu'est-ce qui est interdit par rapport à la ressemblance au kuffar. Donc ensuite il dit wa sanadhkur inshaallah anna mushabahatahum fi a'yadihim min al-umur al-muharrama fa innahu huwa al-mas'alatu al-maqsuda huna bi'ayniha wa sa'iru al-masa'il siwaha innama jalabaha إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. C'est le point 92. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, on va mentionner inshallah que leur ressembler dans leur fête, ça fait partie des choses haram. De ressembler aux kuffar et aux mushrikines et aux gens du lys dans leur fête, dans leur célébration, ça fait partie des choses haram. Et il dit, c'est cette question-là en particulier que le cheikh Ibn Taymiyyah voulait expliquer dans ce livre. Et le reste des points qu'il a mentionnés, c'était uniquement dans le but de confirmer la règle générale, la grande règle générale et bénéfique à ce sujet-là. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a dit ça. Maintenant Cheikh al-Fawzan il explique. Il dit يعني المراد الأعظم هو الحديث عن حرمة التشبه بالكفار في أعيادهم. Le plus grand objectif du livre, c'est de montrer l'interdiction de ressembler aux kuffars dans leurs fêtes, dans leurs célébrations. والعيد اسم لما يتكرر ويعود إما على مدار السنة أو على مدار عدد من السنين أو غير ذلك. فالعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني وعيد مكاني. والكفار لهم أعياد يعتبرونها من شعائر دينهم، والمسلمون لهم أعياد هي أيضا من شعائر دينهم، لا سيما عيدي الفطر والأضحى. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون لهم أعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بها خير منها، إن الله قد أبدلكم بها خير منها عيد الفطر وعيد الأضحى. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que le plus grand objectif de cette parole ici, c'est d'expliquer l'interdiction de ressembler aux koufars dans leurs célébrations et dans leurs fêtes. Et le mot Eid en arabe, c'est un mot qui désigne tout ce qui se répète et tout ce qui revient durant l'année. Tout ce qui se répète et tout ce qui revient durant l'année. Hein? Ou un nombre de fois durant l'année. Comme le verbe en arabe, quand on dit Ya'ada Ya'oudu. Ada ya'oudou, hein, ça veut dire revenir, hein, de revenir. Et al-Eid, c'est quelque chose qui revient chaque année. Donc c'est de là que ça vient le terme Eid. Et donc le Cheikh explique que al-Eid, ça se divise en deux catégories: Eid zamani ou Eid makani. Eid zamani, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète dans le temps, à chaque année à une époque spécifique. Ou makani, c'est-à-dire un endroit ou un lieu où on revient régulièrement ou à des moments spécifiques durant l'année, dans un endroit spécifique. Donc il y a l'Eid zamani, l'Eid makani. Ok? Comme Ramadan, par exemple, c'est quelque chose qui se répète chaque année. Hein? Et c'est dans un mois bien spécifique. Et l'Eid makani, le Hajj, qui se répète chaque année à Mecca, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui sont légiférées. Mais il y a des ayades qui sont des ayades, des fêtes des koufars. Hein? Les koufars, ils ont des fêtes, ils ont des célébrations qui se répètent annuellement, et ils considèrent ça parfois comme faisant partie des principes de leur religion, des signes de leur religion. Et les musulmans ont également des célébrations et des fêtes qui également font partie des signes et des rites de leur religion, en particulier les deux fêtes qu'on appelle Eid al-Adha et Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et il a trouvé les gens avec des célébrations et des fêtes. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a dit aux gens de Médine: vous pouvez continuer à célébrer vos fêtes et faire qu'est-ce que vous faites comme vous faisiez avant l'islam? Non. Il leur a dit: Allah vous a remplacé ces fêtes par quelque chose de meilleur. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc ça veut dire qu'il leur a annulé leurs fêtes qu'ils faisaient auparavant et il a remplacé leurs fêtes par les fêtes islamiques qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et donc c'est la même chose pour tous les autres peuples par la suite. Si par exemple d'autres peuples après sont devenus musulmans, que ce soit en Asie ou en Afrique ou ailleurs, ou en Europe, une fois qu'ils deviennent musulmans, ils ne peuvent pas dire: ben nous on a des fêtes ou on a des célébrations qu'on fait avant l'islam, on veut les garder. Non, parce que du moment que tu acceptes l'islam, tu dois annuler maintenant les fêtes que tu célébrais avant l'islam et te limiter aux fêtes islamiques qui sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le Cheikh il dit: فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتَصِرُوا عَلَى هَذَيْنَ الْعِيدَيْنِ. Il est obligatoire aux musulmans de se limiter à ces deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ولا يجعل لهم أعيادا تشبه أعيادا أو تشبه أعياد أهل الكتاب كمناسبات عيد المولد وعيد الجلوس وعيد الشجرة وعيد يعني فإن هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. Donc il dit le cheikh que on doit pas faire pour les gens des nouvelles fêtes ou d'autres fêtes comme les fêtes des gens du livre pour des occasions comme Eid al-Mawlid, il célèbre la naissance par exemple de Jésus, Noël, hein? Donc il y a des musulmans qui font des fêtes comme ça qui ressemblent aux fêtes yani des juifs et des chrétiens qui fêtent la naissance de leur prophète. Donc il y en a qui veulent faire la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des choses interdites, qui font partie des bid'ah. Même si dans certains pays musulmans, malheureusement, ils ont pris ça comme une fête nationale, maintenant c'est devenu quelque chose qui est pratiqué à grande échelle. Donc ça, c'est pas permis dans l'islam et ça fait partie des innovations. Et le cheikh, il dit que les koufars, ils inventent maintenant toutes sortes de fêtes. La fête de l'arbre, la fête de telle ou telle chose. Et même ils ont chaque semaine, ils ont une semaine, ils disent ça c'est la semaine de telle cause et la semaine de telle cause et le mois de par exemple telle fête, la semaine des pères, et puis ils font plein de fêtes comme ça, la fête des pères, la fête des mères et ainsi de suite. Donc ça, tout ça c'est des exemples de qu'est-ce qui le cheikh il dit, c'est des fêtes de la jahiliya, Allah n'a révélé à leur sujet aucune preuve. Maintenant, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite un long verset, un long passage dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le verset 67 à 73. Il y en a toujours dans le même sujet de qu'est-ce qu'on est en train de parler par rapport au fait de ne pas imiter les koufars. Et là, il va parler un peu des caractéristiques des munafiqines. Et donc, c'est pas juste qu'on n'a pas le droit d'imiter les kuffars, les mushrikines et les gens du livre, mais même on n'a pas le droit d'imiter aussi les munafiqines parmi les musulmans. قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Islam après avoir cité ces versets, il dit بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأخلاق المؤمنين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. اي نعم وصفاتهم. اي نعم بين في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, il a clarifié les caractéristiques et les comportements des munafiqins, et il a expliqué également les croyants, quels sont leurs comportements et quelles sont leurs caractéristiques. Et les deux groupes montrent l'islam, hein, montrent qu'ils appartiennent à l'islam. Les croyants et les hypocrites, tous les deux montrent qu'ils sont musulmans. Mais Allah a promis aux hypocrites qui montrent leur islam avec les caractéristiques qu'ils ont, ainsi que les mécréants qui montrent leur kufr, le feu de l'enfer comme rétribution, et il a ordonné à son messager de combattre les deux groupes, c'est-à-dire de combattre le groupe des mécréants et le groupe des hypocrites. Maintenant, on va lire la traduction des versets dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a lu dans Sourate At-Tawba en arabe. Ça veut dire, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Donc ils ordonnent le blâmable, qu'est-ce qui est mal, ils l'ordonnent. Et qu'est-ce qui est bien, eh bien ils l'interdisent. Ça c'est la caractéristique de qui? Non, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et ils replient leurs mains. C'est-à-dire, ils font preuve d'avarice. Ils ne veulent pas partager. Donc, ils replient leurs mains. Ils ont oublié Allah. Et alors, Allah les a oubliés. Hein? Et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les maudit. Pour eux, il y aura un châtiment permanent. Il en fut de même de ceux qui ont précédé, de ceux qui vous ont précédé. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Et ils jouirent de leur lot en ce monde, c'est-à-dire de qu'est-ce que Allah leur a donné. Et vous avez joui aussi de votre lot, comme eux ont joui de, comme en ont joui vos prédécesseurs de leur lot, hein, de ce qu'ils ont reçu. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ceux qu'ils avaient discuté à tort et à travers. Ceux-là verront leur œuvre anéantie dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ceux-là sont les perdants. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, Nuh, le peuple d'Ad, le peuple des Samoud, le peuple d'Abraham, les gens de Madian et Al-Mu'tafikat, yani les peuples renversés, les villes où habitait le peuple de Lot. C'est Al-Mu'tafikat. Leur messager leur avait apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien et interdisent le mal, et accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Ensuite, il dit, aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du jour permanent, hein, du séjour permanent, et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants, contre les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Donc ça, c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il mentionne les caractéristiques des munafiqines et les caractéristiques des mu'minines. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, et il prend plusieurs pages pour expliquer ces versets. هذا حديث عن المنافقين ساقه الله عز وجل في سورة التوبة تكلم تلكم السورة التي فضحت المنافقين وهتكت أسارهم وقوله هنا المنافقون والمنافقات دل على أن في النساء منافقات كالرجال. Donc le cheikh il dit, ça c'est une parole au sujet des munafiqin que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans sourate At-Tawbah. C'est cette sourate qui a dévoilé la réalité des munafiqin et a déchiré leur voile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici ce qui signifie les munafiqoun et les munafiqat, c'est-à-dire les hypocrites hommes et les hypocrites femmes. En arabe, c'est munafiqoun et munafiqat. Dalla, ça c'est la preuve qu'il y a parmi les femmes des munafiqat. Il y a parmi les femmes des gens qui prétendent avoir la foi, mais qui cachent leur mécréance également. Et al-nifaq huwa izhar al-iman wa ibtal al-shirk. Ibtal al-kufr. Yani, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait plutôt peut-être ibtan. Allahu a'lam. En tout cas, le nifaq, c'est quoi? C'est de laisser paraître la foi, de montrer qu'on est croyant, mais de cacher la mécréance. C'est de cacher la mécréance à l'intérieur de soi. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe al-nifaq. Et ça, c'est al-nifaq al-i'tiqadi al-kufri. هذا هو النفاق الاعتقادي الكفري وصاحبه في الدرك الأسفل من النار فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر خداعا ومكرا قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. C'est-à-dire que ça c'est le nifaq dans la croyance et le nifaq de la mécréance. C'est lorsque quelqu'un yani, montre qu'il a la foi mais qu'il cache sa mécréance. Celui-là est dans le plus bas niveau de l'enfer. C'est le plus bas niveau dans l'enfer. Et l'hypocrite, il montre qu'il est croyant, il cache sa foi pour trahir et pour tromper les gens par ruse et par complot. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans sourate Al-Baqarah, ils essaient de tromper Allah ainsi que ceux qui ont cru, mais ils ne font que tromper leur propre personne seulement. Ils se trompent eux-mêmes seulement, mais ils ne réalisent pas. La deuxième catégorie de nifaq, le cheikh il dit wal qismu thani min an-nifaq an-nifaq al-amali kan yakun fihi sifatun min sifat al-munafiqin kal-kadhib wa ikhlaf al-wa'd fa huwa mu'min lakin فيه صفة وخصلة من خصال المنافقين حتى يدعها كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Donc le cheikh il explique qu'il y a une deuxième catégorie de nifaq qui est une nifaq amali, nifaq dans l'action, qui ne fait pas sortir de quelqu'un de l'islam nécessairement. Et ce nifaq qui est amali ou nifaq asrar, ça c'est lorsque donc le cheikh il dit que le nifaq amali, c'est lorsque quelqu'un a une des caractéristiques des hypocrites. Lorsque, par exemple, quelqu'un dit des mensonges, il ment, ou il manque à sa promesse. Il est croyant quand même, mais il a en lui une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites jusqu'à ce qu'il la délaisse, cette caractéristique. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Arba'un man kunna fihi kana munafiqan. » أربعون من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que il y a quatre caractéristiques. Celui qui les possède, il est un pur hypocrite. Celui qui en possède une d'entre elles, alors il a une des caractéristiques de l'hypocrite ou de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il délaisse cette caractéristique là et c'est que lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Lorsqu'on lui donne un dépôt, il trahit. Et lorsque il prend un engagement, un serment, ou il donne sa parole, eh bien il trahit. Il fait une trahison. Et lorsqu'il dispute avec les gens, eh bien, il dispute d'une façon perverse. هذه صفات قد تصدر من بعض المؤمنين لبعض لضعف إيمانهم، لكنها لا يكفرون بها، لكنهم لا يكفرون بها، تسمى بالنفاق الأصغر. وهي خطيرة جدا فهذه صفات قد تصدر من بعض المؤمنين لضعف إيمانهم لكنهم لا يكفرون بها وتسمى بالنفاق الأصغر وهي خطيرة جدا. Donc ces caractéristiques là qu'on a mentionné, c'est des caractéristiques qui peuvent être présentes chez certains croyants à cause de la faiblesse de leur foi, mais ils ne deviennent pas mécréants à cause de ça. Et on appelle ça des formes d'hypocrisie mineure. C'est de l'hypocrisie mineure lorsque quelqu'un fait un péché. Et c'est quelque chose de très grave, très dangereux, parce que le cheikh il dit لِأَنَّهَا قَدْ تَجُرُّ إِلَى النِّفَاقِ الْأَكْبَرِ وَلِلْتِصَافِ بِهَا مُشَابَهَةً لِلْمُنَافِقِينَ. Il dit donc que c'est très dangereux parce que à force d'avoir ces caractéristiques-là, ça peut amener quelqu'un à tomber dans l'hypocrisie majeure par la suite et à prendre les caractéristiques des vrais hypocrites. Donc ça, c'est dangereux. Il dit ensuite, le cheikh, « وَإِنْ كَانَتْ مُشَابَهَةً جُزْئِيَّةً لَكِنَّهَا خَطِيرَةٌ جِدًّا وَمَرَضٌ عُضَالٌ قَدْ حتى يتوب الإنسان منها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لم يقد أولياء بعضهم لأنهم أعداء فيما بينهم وإن كانوا يظهرون أنهم جميع لكنهم فيما بينهم أعداء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبعضهم من بعض فقال بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في المكر والخداع والسلوك السيء والعياذ بالله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما هذه صفة المنافقين يأمرون بالمنكر والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة وهذا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ونهى عنه وحرمه فإنه منكر لأنه تكرهه العقول السليمة والفطر السليمة المستقيمة فهؤلاء يأمرون بالمنكر وهذه صفتهم أنهم يأمرون بالمنكر ودائما يدعون إلى الرذيلة والعري والتفسخ وخلع الحجاب وإخراج المرأة من بيتها لتتولى عمل الرجال أو عمل الرجل ومخالطة الرجال ويدعون إلى تغيير الشرع إلى القوانين الوضعية والأنظمة الكفرية ومسايرة الكفار. هذه دعاياتهم دائما وأبدا. Donc le cheikh il dit donc que même si lorsqu'on a ces caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, les cinq caractéristiques ou quatre, même si on ressemble aux mushrikines dans certaines caractéristiques qu'ils ont, donc ça veut dire qu'on est, on a des caractéristiques d'hypocrisie, mais on n'est pas nécessairement un munafiq. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux parce que, à force de l'avoir, ces caractéristiques-là, on risque de devenir, comme on disait, un vrai hypocrite. Jusqu'à ce que l'homme se repente de ces caractéristiques-là, donc l'hypocrite ou l'homme et la femme hypocrite sont les uns des autres. Les uns des autres. Il n'a pas dit les uns alliés des autres, parce qu'ils sont en réalité des ennemis, entre eux. Même s'ils laissent montrer qu'ils sont ensemble, la réalité c'est qu'ils sont des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu les croirais unis, alors que leur cœur s'est déchiré, alors que leur cœur est séparé. Et ça c'est parce que ce sont un peuple qui ne comprennent pas. Verset 14 dans sourate Al-Hashr. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ba'duhum min ba'd, ils sont les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent les uns les autres dans la trahison, dans le complot, dans la ruse, et dans la conduite, dans la mauvaise conduite qu'ils ont. Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. C'est-à-dire, ils sont toujours comme ça. Les hypocrites, c'est leur caractéristique. Ils ordonnent le mal, et le mal, c'est tout ce que Allah a interdit, tout ce que Allah a interdit et a rendu haram. Et tout ce que l'esprit ou l'intelligence propre et la raison propre et la nature propre et droite rejettent ou condamnent. Donc c'est ça le munkar. Et donc il dit cela, au lieu d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ils ordonnent le mal, et ça c'est leur caractéristique. Ils sont toujours comme ça. Ils appellent à la saleté. Ils appellent aux bassesses. Ils appellent au nudisme. Et à ce que les femmes se dévêtissent. Ils appellent la femme à enlever son hijab. Ils appellent la femme à sortir de sa maison pour travailler comme les hommes et se mélanger aux hommes dans les lieux de travail ou dans les lieux publics et ainsi de suite. Et ils appellent à changer la législation d'Allah et la révélation pour que les hommes jugent par les lois inventées par l'homme et les systèmes de kufr, comme la démocratie, la laïcité et tous ces autres systèmes de socialisme, communisme et autres. Ils veulent faire appliquer ces systèmes-là au lieu de dire aux musulmans de revenir à la religion d'Allah et à la législation d'Allah. Donc ça c'est leur appel, et c'est à ça qu'ils appellent et qu'ils appellent toujours. Le cheikh il dit وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَ بِالْبَارِحَةِ وَمَا أَشْبَهَ اللَّيْلَ بِالْبَارِحَةِ فَالدُّعَاتِ الْآنْ مَنْ مِنْ هَؤُلَىٰ عَلَىٰ قِدَمٍ وَسَاقٍ دائما يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن التمسك بالكتاب والسنة ويعتبرون التمسك بالدين من الغلو والتطرف والتشدد والتزمت إلى غير ذلك. Donc on voit que aujourd'hui est très semblable à hier. Comment les choses se passaient dans le passé, ça ressemble à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Puisque les gens aujourd'hui qui appellent à l'égarement parmi les hommes, Yani on voit que ils essaient sans relâche d'ordonner le mal et d'interdire le bien. Ils interdisent de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Ils considèrent que de s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la religion, que ça c'est du terrorisme ou de l'extrémisme, hein, ou de l'exagération, hein, du fanatisme religieux, et ainsi de suite. Et donc, ils essaient de faire en sorte que les gens s'éloignent des textes du Coran et de la Sunna et de la fermeté dans la religion. Yuzahiduna an-nas, yuzahiduna fi ittiba' al-kitab wa as-sunnah wa al-istiqama. Na'am, inkar al-ghulu wa at-tashaddud wa at-tazammud, hadha amrun wajib, li'annahu yunkar. C'est-à-dire, le cheikh il dit, oui, l'extrémisme, l'exagération dans la religion, ça on doit le condamner, hein, parce que c'est quelque chose qui est contraire à la religion. Mais par contre, le cheikh dit, لكن ليس التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقيد بالحلال دون الحرام ليس هذا هو التشدد وليس هذا هو التزمت بل هذا هو الحق وهو المنهج السليم القويم. Donc le cheikh il dit, c'est vrai qu'il faut condamner l'extrémisme et l'exagération, hein, l'extrémisme et l'exagération, il a trop d'être trop dur dans la religion, d'être fanatique dans la religion. Ça, il faut condamner ça. Toutefois, ça ne veut pas dire que, il ne faut pas mélanger les choses. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas croire que, en s'accrochant au Coran et à la Sunna, que c'est ça qui fait que tu deviens extrémiste. Contrairement à ce que les koufars essaient de faire comprendre, ou certains musulmans, ils essaient de faire comprendre que l'extrémisme, c'est quand tu t'accroches trop au Coran et à la Sunna, et quand tu es trop pratiquant, selon eux, ça veut dire, ah bon, là t'es extrémiste, t'es exagéré. Alors que t'as exagéré. Donc c'est pas eux qui déterminent qu'est-ce qui est extrême ou non, mais c'est qu'est-ce qui est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la Sunna et dans l'exemple des salafs salih. C'est ça qui détermine si tu es dans l'extrémisme ou dans la modération. C'est pas qu'est-ce que les koufars veulent te faire comprendre ou veulent te faire accepter de qu'est-ce que eux ils ont déterminé. Par exemple, eux ils disent non, le voile ça c'est de l'extrémisme. Puis la barbe c'est de l'extrémisme. Puis de faire la salade, c'est de l'extrémisme. Donc, ils décident qu'est-ce qui est de l'extrémisme. Et qu'est-ce qu'ils veulent pas, Yanni, que tu pratiques, ils disent, ah, ça, c'est de l'extrémisme. C'est du fanatisme. C'est de l'intégrisme. C'est, tout ça, c'est pour détourner les gens de l'obéissance à Allah. Donc, le cheikh, il dit, nous, en tant que musulmans, dans l'islam, il faut s'écarter de qu'est-ce qui est haram et faire qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit se limiter à ce qui est dans la charia par rapport à ce qui est halal et haram. Et ça, c'est pas de l'extrémisme, c'est pas de la dureté, et c'est pas du fanatisme. Ça, c'est la vérité. Ensuite, le cheikh il dit, il dit, يقبضون أيديهم أي كناية عن البخل لأنهم يمنعون الزكاة ولا يتصدقون ولا ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثواب الله ويحبون المال ويبخلون به ويخشون الفقر وليس عندهم أمل بالله عز وجل واعتماد عليه يظنون أنهم إذا أنفقوا من مالهم ينفد يصيبهم الفقر ويصيبهم الفقر فهم يقبضون أيديهم في النفقات الواجبة والمستحبة. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, une autre de leurs caractéristiques que Allah a mentionné dans les versets qu'on a lus, le verset dans Sourate Tawbah, le verset 78, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ c'est-à-dire qu'ils gardent leurs mains fermées. Hein? Ils gardent leurs mains fermées, et ça c'est pour dire qu'ils sont avares. Ils sont avares, ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas partager. Et c'est-à-dire qu'ils refusent de payer la zakat. Ils refusent de payer la zakat. Et ils ne donnent pas de sadaqat, et ils ne donnent pas de leur bien à ceux qui méritent ce bien-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah ni au jour dernier, et ils aiment l'argent d'un amour immense qui les amène à tomber dans la fierté, yani dans l'avarice, dans yani, le fait de pas vouloir partager, hein? Et ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de la pauvreté et ils n'ont pas d'espoir en Allah. Hein? Ils n'ont pas d'espoir en Allah, ils ne se basent pas sur l'espoir en Allah. Ils pensent que si ils dépensent de ce qu'on leur a donné, leur bien va s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir de richesse ou d'argent. Ils vont être frappés par la pauvreté. Et donc, à cause de ça, ils ferment leurs mains et ils ne donnent pas les dons obligatoires ou recommandés par l'islam. Wal'iyadu billah. Et on a presque fini. Le cheikh il dit Nasullaha fanasiyahum. C'est-à-dire, ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Ay nasu zikrahu wa taraku ta'atahu. وارتكبوا ما حرم الله عليهم ونسوا الله أي تركهم الله في العذاب والله جل وعلا لا ينسى النسيان الذي معناه الذهول وإنما معناه النسيان هنا الترك فالنسيان يعني يأتي لا يأتي بمعنى الترك كما أنه يأتي بمعنى الذهول والله منزه عن الذهول وما كان ربك نسيا وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى والله منزه عن النسيان الذي هو الذهول وعدم الإدراك وإنما المراد بالنسيان هنا الترك لأنهم لما نسوا الله نسوا الله وتركوا أوامره وأعرضوا عن ذكره فنسيهم يعني تركهم في العذاب إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله لأن الفسق في اللغة الخروج عن الدين وهو فسق كفر فسق كفر وفسق معصية. Donc le cheikh il termine ce point en expliquant la fin du verset en question. Ils ont oublié Allah et donc Allah les oublie. C'est-à-dire ils ont délaissé son rappel et ils ont délaissé son obéissance et ils ont fait tout ce que Allah a interdit. Hein? Et ils ont oublié Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés, hein? Les a délaissés dans le châtiment. Quand on dit qu'il les a oubliés, c'est-à-dire qu'il les a abandonnés, il les a laissés. C'est ça que ça veut dire. C'est non pas la signification de l'oubli dans le sens de la perte de mémoire ou du fait que tu oublies ce que tu savais. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est l'alim, il est l'omniscient. Donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il les a oubliés, c'est pas dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala perd la mémoire, hein, ou oublie des choses qu'il savait. Non, c'est dans le sens qu'il les abandonne et il les délaisse. Comme eux ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et bien lui, pour les punir, il les abandonne et il les laisse. Et il dit ensuite le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il est purifié de toute faiblesse ou de toute faiblesse dans sa science ou de tout oubli de qu'est-ce qu'il savait, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans le verset 64 dans sourate Maryam wa ma kana rabbuka nasiya, c'est-à-dire ton Seigneur n'oublie pas. ton Seigneur, n'oublie pas, n'oublie jamais. Et également, yani, le verset qui mentionne dans ce sens-là aussi, le verset 52 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « La yadillu Rabbi wa la yansa » Mon Seigneur ne s'égare pas, ni n'oublie. « La yadillu Rabbi wa la yansa » D'accord. Et ensuite, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, لأنهم, يعني, il dit donc, la, qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'oubli, c'est la, le fait qu'ils les délaissent et qu'ils les abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Allah. Et donc, ils ont délaissé ses ordres, ils ont délaissé ses commandements. Et donc, étant donné qu'ils se sont détournés de son rappel, Allah subhanahu wa ta'ala les oublie, dans le sens qu'il les oublie dans le châtiment. Inna al-munafiqina hum al-fasiqun, c'est-à-dire les hypocrites sont les pervers, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah. Parce que le mot fisq en arabe signifie la sortie, hein, la sortie de la religion. Et il y a deux formes de fisq. Il y a le fisq kufr qui est kufr et le fisq qui est péché et désobéissance. Donc, ça c'est la fin de ce qu'on allait ce qu'on voulait lire aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera, inshallah, au prochain cours, bi'iznillah. Donc, c'est le cours numéro 24, le prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين